Enfin, le Resolute vint en vue de la ville de Zanzibar, située sur l'île du même nom. Et le 15 avril, à 11h du matin, il laissa tomber l'ancre dans le port. Mais, craignant l'hostilité des indigènes qui voyaient dans ce projet des intentions hostiles à leur religion, le Resolute s'approcha de l'île de Koumbeni. Pendant la matinée du 16 avril, le ballon fut mis en sûreté au milieu d'une clairière. C'est à l'appendice inférieur de chaque ballon que furent fixés les deux tuyaux d'introduction de l'hydrogène. La journée du 17 se passa à disposer l'appareil destiné à produire le gaz. Cette opération dura près de 8 heures. Le lendemain, l'aérostat, recouvert de son filet, se balançait gracieusement au-dessus de la nacelle retenue par un grand nombre de sacs de terre. Les ancres, les cordes, les instruments, les couvertures de voyage, la tente, les vivres, les armes durent prendre à la nacelle la place qui leur était assignée. Les nègres continuent à manifester leur colère. Après les sortilèges et les incantations commencèrent. Mais, en dépit de leur cérémonie, le ciel demeura pur. Vers 6 heures du soir, un dernier dîner réunit les voyageurs à la table du commandant et ses officiers. Comme on craignait quelques démonstrations contre la personne du docteur et de ses compagnons, ils couchèrent tous les trois à bord du Resolute. À 6 heures du matin, ils quittaient leur cabine et se rendaient à l'île de Koumbeni. Le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'Est. Les sacs de terre qu'il retenait avaient été remplacés par 20 matelots. « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars. »« Cela est très décidé, mon cher Dick. »« J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. »« Tout. »« Alors, j'ai la conscience tranquille à cet égard. »« Et je t'accompagne. »« J'en étais sûr, » répondit le docteur, en laissant voir sur ses traits une rapide émotion. L'instant des derniers adieux arrivait. À 9 heures, les trois compagnons de route prirent place dans la nacelle. Le docteur alluma son chalumeau et poussa la flamme de manière à produire une chaleur rapide. Le ballon, qui se maintenait à terre en parfait équilibre, commença à se soulever au bout de quelques minutes. Les matelots durent filer un peu des cordes qui le retenaient. La nacelle s'éleva d'une 20aine de pieds. « Mes amis !» s'écria le docteur, debout, entre ses deux compagnons ôtant son chapeau. « Donnons à notre navire aérien un nom qui lui porte bonheur, qu'il soit baptisé le Victoria !» Un hurrah formidable retentit. « Vive la reine! Vive l'Angleterre !» En ce moment, la force ascensionnelle de l'aérostat s'accroissait prodigieusement. Ferguson, Kennedy et Joe lancèrent un dernier adieu à leurs amis. « Lâchez tout !» s'écria le docteur. Et le Victoria s'éleva rapidement dans les airs, tandis que les quatre caronades du Resolute tonnaient en son honneur.